Chapitre 34e. À peine seul, Rose sonna pour demander Florence. La bonne ludique de la journée, ne se sentant pas bien, la vieille femme s'était mise sur son lit. Aussitôt, Madame André prit une bougie et se dirigea vers la chambre de son ancienne amie. C'était une vaste pièce peu éclairée, qui avait servi de débarras et qu'on avait arrangée à la hâte pour recevoir un lit. Les malles de Rose, quelques meubles de rebut et une baignoire dans son suaire de planche prenaient des formes étranges à la lueur flottante de la bougie. Rose frissonna en entrant, car l'air était froid et lui tombait lourdement sur les épaules. « Comment, Florence? Tu es seule ici sans lumière et sans feu? As-tu dîné? Je n'ai pas faim, » répondit la vieille servante. « Et pour de la lumière, je n'en ai pas besoin. Attends. Je vais te faire allumer du feu. Pourquoi n'en as-tu pas demandé? Ta bonne avait son dîner à faire, je n'ai besoin de rien, laisse-la tranquille. » Rose déposa sa bougie sur la cheminée, releva le rideau, et voyant que le feu était préparé, elle l'alluma à l'aide d'un journal qui traînait par terre. Bientôt le reflet d'une flamme joyeuse dansa sur les murs. « C'est un peu plus habitable, » dit Rose, dont le cœur s'était amolli pendant qu'elle accomplissait ce simple devoir de charité. « Maintenant, Florence, dis-moi ce que tu as. Veux-tu que j'envoie chercher un médecin ? Non, ma fille. Ce que je veux, c'est causer un peu avec toi. » Les mains de la fidèle servante étaient glacées. Rose courut à sa chambre et rapporta sa propre couverture de soie piquée, dont elle entoura sa vieille amie, puis elle s'assit près du lit. « Causons !» lui dit-elle d'un air presque joyeux, tandis qu'elle se sentait le cœur serré, comme à l'approche de quelque inévitable malheur. « Je m'en vais, » dit Florence en fixant sur Rose ses yeux noirs et profonds, où flottait une ombre mystérieuse. « Je vais mourir. »« Allons donc, » fit Rose avec un mouvement d'épaule. « Si tu te fais des idées noires... »« Je te parle sérieusement, ma fille. Écoute-moi sérieusement, » reprit la vieille femme. Il y a longtemps que je voyais venir ce jour, et c'est pour cela que j'ai accepté de vivre ici. Je voulais être près de toi pour ce moment-là. Je voulais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. » Rose regarda avec un sentiment de pitié mêlé d'un respect nouveau pour elle, celle qui, pendant des années, lui avait montré la tendresse d'une mère. « Tu n'as jamais été bonne, Rose, » reprit Florence en se soulevant sur son coude pour parler plus librement. « Mais tu n'as jamais eu l'âme méchante. J'ai fait ce que j'ai pu pour te rendre meilleure. Ce n'était pas une pauvre servante comme moi qui pouvait avoir une grande influence sur toi, d'autant plus qu'à ma connaissance, personne n'a jamais pu te diriger. » Un mouvement de Rose l'interrompit et elle se reprit. « Oui, tu as raison. Un seul avait sur toi un pouvoir extraordinaire et celui-là n'a pas vécu. C'est parce que je l'aimais, » murmura la jeune femme, soudain ému à ce souvenir lointain si brusquement évoqué. « Tu n'aurais peut-être pas été soumise bien longtemps, » reprit Florence, « mais ces choses sont passées depuis tant d'années. » « N'en parlons pas. Je vais mourir, et après moi, ma fille, tu n'auras plus personne pour te dire la vérité, au risque de te déplaire. Ton mariage a été une grande faute de ta part. Tu as trompé ton honnête mari, tu l'as trompé de plusieurs façons, en lui cachant le passé, en lui cachant le présent, car tu aimais le docteur, et c'est par dépit que tu as épousé juste André. Tout cela était mal, et il ne pouvait en arriver que du malheur. » Rose écoutait, les yeux fixés sur la vieille femme, avec une attention telle qu'elle ne pensait plus se révolter contre la sévérité de ses jugements. Florence reprit. « Tu as mal fait quand tu as voulu t'enfuir, plus mal encore quand tu as frappé ton mari. Ton mari, Rose, que tu avais juré d'aimer et d'honorer, alors que personne ne t'y forçait. Et pour finir tout cela, je ne sais pas si tu n'as pas fait plus mal encore de revenir, lorsque tout le monde te croyait morte. » « J'espérais bien faire, » murmura la jeune femme en baissant la tête. « Je le sais, et c'est ton excuse, mais te voilà bien punie car j'ai lu dans ton cœur. Rose, j'ai suivi tes yeux, tu aimes ton mari maintenant. » Madame André cacha son visage dans la couverture. « Et ton mari en aime une autre ? » et il ne t'aimera jamais, jamais, Rose. Quoi que tu fasses, quand même tu t'humilierais 100 fois devant lui, il a donné son cœur, son pauvre cœur que tu avais si cruellement blessé, et là où il l'a mis, il le laissera. Rose gémit et joignit ses mains désespérées au-dessus de sa tête. C'est ta punition, ma fille, et tu l'as méritée. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à te dire. Écoute-la et souviens-t'en. Tu as assez fait de mal à ton mari. Ne lui en fais pas davantage. Ne trouble pas son repos. Respecte son honneur. Accepte ton chagrin comme une expiation pour le mal que tu lui as fait. Accepte-le d'un cœur résigné. Dis-toi que c'est bien peu de chose auprès de ce qu'il souffre, lui qui n'a rien à se reprocher. Rose avait relevé la tête et regardait la vieille femme avec une interrogation dans les yeux. Florence l'a compris. Oui, il souffre, et elle aussi, la demoiselle, et ce n'est pas leur faute. Ne les dérange pas de leur bonheur. C'est un bien pauvre petit bonheur, et qui se contente de bien peu. Elle est très malade, elle mourra sans doute. Si elle mourait, dit tout bas Rose, il me reviendrait peut-être. Florence secoua la tête. Je ne crois pas. Enfin, on ne sait pas. Si tu étais très bonne, bien changée. Mais si elle mourait, Rose, ce serait horrible, car elle ne l'a pas mérité, elle. Les yeux de Florence et ceux de Rose se rencontrèrent à ce dernier mot avec une étrange fixité. La jeune femme fut la première à détourner son regard. « Je te comprends, » dit-elle. « C'est moi qui devrais mourir, mais j'ai la vie dure. Ne parle pas légèrement de la mort devant moi, à cette heure. On ne meurt pas quand on veut, ma fille. Vivre, c'est parfois une expiation. Tu vivras pour expier. Si la vie te paraît longue, prends-la avec patience et résignation. Maintenant, embrasse-moi. J'étais rude avec toi depuis ton retour, mais c'est que j'avais le cœur gros de tout ce que je viens de te dire. À présent, nous ne parlerons plus que de bonnes choses tendres. » Rose appuya ses lèvres sur la joue ridée qui se creusait visiblement, puis elle donna des ordres pour apporter un peu de bien-être dans cette chambre triste et nue, et se rassit auprès du lit où Florence s'endormit d'un sommeil troublé. Quand André rentra, vers 11 heures, il fut attiré par la lumière insolite qui filtrait sous la porte de cette pièce ordinairement sombre. Il l'ouvrit doucement, et fut surprise de voir sa femme assise au chevet de la vieille servante. En l'apercevant, Rose se leva vivement et vint à lui. « Florence est très malade, » dit-elle à mi-voix. La vieille femme s'éveilla. « C'est ton mari qui est là ? » demanda-t-elle. « Oui, veux-tu le voir ?» La malade fit un signe affirmatif et André s'approcha du pied de son lit. Elle le regarda avec attention, mais son regard incertain se perdait au-dessus du jeune homme. Elle secoua tristement la tête. « Je ne le vois pas, » dit-elle. « Je crois que je ne verrai plus rien dans ce monde. Je m'en vais, monsieur André. Soyez indulgent pour elle. Elle n'est pas méchante, au fond. Soyez en paix, » dit André, profondément ému de cet appel suprême à sa pitié. « Vous êtes fâché contre elle, n'est-ce pas ? Je comprends, mais... » « Je n'ai pas contre elle de mauvais sentiments, » répondit André avec un accent sincère. S'il avait regardé sa femme, il aurait vu s'illuminer le joli visage aux traits durs et contractés, mais il ne songeait qu'à la mourante. « Il faut pardonner, monsieur André. Pardonner quand on s'en va, je sais bien que c'est plus facile, mais pourtant... » Les yeux qui n'y voyaient plus imploraient le mari de Rose. Il se sentit plus touché qu'il ne l'avait été depuis bien des années. « J'ai pardonné, » dit-il. Les traits de la vieille dame se détendirent. Elle reposa sa tête sur l'oreiller avec une expression de joie paisible. André s'écartait doucement. Il sentit une pression tiède sur la main qu'il laissait pendre à son côté et regarda. Dans la demi-obscurité de la vaste pièce encombrée, il discerna le visage de Rose, tourné vers lui avec une douceur infinie. Jamais il n'avait vu dans ses yeux ce rayonnement attendri qui la transfigurait. « Merci, » dit-elle très bas. Il retira sa main sans effort mais sans faiblesse. « Vous passerez ici toute la nuit, » lui demanda-t-il sans la regarder. Je resterai jusqu'à ce que ce soit fini. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler, dit-il. Je vais me jeter sur mon lit, mais je serai prêt à votre premier mot. Il le remercia d'un signe de tête et il passa indifférent. Quand elle fut seule avec la mourante, Rose reprit sa place au pied du lit, ensevelit son visage dans le couvre-pied de soie et pleura. Ce n'est pas pour la vieille femme qui allait quitter ce monde qu'elle pleurait. Celle-ci aurait un jour sa part de regrets et de larmes, mais plus tard, quand la plaie vive ouverte au cœur de Rose aurait cessé de saigner, si ce jour devait jamais venir. C'était pour l'amour d'André, ce trésor qu'elle avait possédé jadis, qu'elle avait dédaigné et foulé aux pieds. Aujourd'hui, elle eût tout donné, même sa jeunesse et sa beauté, pour se trouver au foyer d'André avec un passé derrière elle, qui fut plein d'honneur et d'amour. Rien ne pouvait lui rendre son bien perdu. Rien ne laverait la tache qu'elle avait volontairement imprimée sur son nom, et comme tant d'autres avant elle, comme tant d'autres après elle l'ont fait et le feront encore, elle regretta sa faute avec des pleurs amères et maudit le destin que, dans son égarement, elle s'était choisie elle-même. La nuit s'écoula sans que Florence sortît de sa torpeur. Aux premières lueurs de l'aube, qui firent pâlir la bougie, Rose leva la tête et regarda la seule amie qu'elle eût jamais possédée. Elle dormait toujours, mais du sommeil éternel.